brûle-moi, le cœur, le cerveau, l'âme, brûle-moi, tiens haute ta flamme, brûle-moi. Brûle-moi, fais de moi un tas de sang, brûle-moi, que tes mains cramées viennent me mordre, brûle-moi. Brûle-moi, que ma peau claque sous tes baisers, brûle-moi, tel un dragon au feu craché. Brûle-moi.